soir à la télévision. Il y a des tas de choses que nous comprenons. D'Europe ou d'Amérique, qui nous regarde avec des yeux de ventre creux. Tous les grands, les hommes de la terre, si les affaires sont les affaires, oubliez un peu votre argent, réveillez-vous dans. Partagez notre pain quotidien. Jamais ils ne nous le pardonneraient de.